avec moi pour ça raconter. Nan qui cause ou yé avec yon grand monde qui pas même gain temps. Wap chache malédiction. Attention bébé, pour vite cause ça pas prendre la vue, faut qu'on songe bien. Que ou gagne un pile zami avec grand monde ça qui t'a kaga grand monde. Fili bewa avili. Attention bébé, pour vieille cause ça pas prendre la rue, faut qu'on songe bien. Que vous gagnez un pile zami avec un monde ça qui t'a cadre grand nom. Vili bewa avili. Même